13 lettres de noblesse. Où se côtoie force, faiblesse, rigidité et souplesse. Encaisse tout même quand les coups blessent. Que jamais ne s'évanouissent mes rêves et mes songes. À ne plus dissocier à minuit, vérité ou mensonge. Mes yeux rivés vers le ciel, mon cœur seul témoin potentiel. Ma foi, ma famille, le reste me semble superficiel. Donner du sens à ma vie, donner tout court, rien que de l'amour. La récompense lit dans les yeux de ma fille. Que du solide, du sahma, rose des sables en plein Sahara. En espérant tôt le verbe aimer se dit Barbara. Je remercie Allah pour la vie que je mène dans mon domaine. Bois et moi sont mon roi et ma reine. Lui prince de princesse pour une vraie smala arbia. D'Abslam à Youssef en passant par Aziza et Shaibia. Les bras ouverts, sourire relève même quand le cœur saigne. Pour soigner mes mots, toujours un geste envers les gens que j'aime. 13 lettres de noblesse. Dans mes pensées comme dans mes gestes, les moments j'aime et où je déteste. En 13 lettres de noblesse. Où les blagues des pieds à la tête, les sentiments du cœur qui se manifestent. En 13 lettres de noblesse. Dans mes pensées comme dans mes gestes, les moments j'aime et où je déteste. En 13 lettres de noblesse. Où les blagues des pieds à la tête, les sentiments du cœur qui se manifestent. Altruiste, paraît que c'est le mot qui me convient. Je donne tout, il n'attend rien pendant que d'autres demandent c'est combien. Ma fierté, ma dignité n'ont pas de prix. Si t'as pas su sauvegarder ça, pour toi c'est fini comme Capri. Jamais été un enfant à caprice. Famille modeste, la tête haute, je reste pudique sur mes cicatrices. Plutôt à l'écoute des autres. Je suis cette oreille, cette âme et ce grand frère. Comme un des mortels, loin d'être apôtre. Je trinque à la vôtre, à vos projets, vos acquis, vos envies. Je suis pas de ces nœuds qui pourront rien te jalouse ou t'envie. Je laisse juste parler mon cœur, mais triple tout avec franchise. Ça gêne grave dans un monde où l'apparence a de l'emprise. Esquisse un sourire hypocrite, censé mettre tout le monde à l'aise. Pas de ça avec moi, c'était fou, cul, t'es foutu. T'es de la paix. Ma nature brute de finesse, dans mes joies, dans mes malaises. Quand dans cette classe d'humilité, v'la maîtresse, lettre de noblesse. 13 lettres de noblesse. Dans mes pensées comme dans mes gestes, les moments j'aime et où je déteste. En 13 lettres de noblesse. Où les blagues des pieds à la tête, les sentiments du cœur qui se manifestent. En 13 lettres de noblesse. Dans mes pensées comme dans mes gestes, les moments j'aime et où je déteste. En 13 lettres de noblesse. Où les blagues des pieds à la tête, les sentiments du cœur qui se manifestent. 5 lettres de sagesse, lourd de sens quand on se prénomme Hakim. Je t'endette à la hauteur lorsque le doute s'impose et s'exprime. Seuls les actes priment, tant d'actions sans réflexion. Je suis pas prêt à faire tout et son contraire, juste par ambition combatif. Plus qu'on le croit, battre le fer chaud, froid. Pas une victime, un homme qui assume ses devoirs. Défend ses droits, assume mes choix. Et ça peu importe les sujets, jamais d'impasse. Moi je trace par la grâce d'Allah, jamais déçu. Optimiste à la mais bien race. Ancré dans la réalité. Pas ceux qui dans la fuite recherchent un semblant stabilité. Jusqu'à en confondre l'essentiel et futilité. Échange d'idées où se confronte raison et débilité. Avec simplicité, je peins une partie de mon identité. Je suis pas seul, ouais, on est plein formation d'une entité. J'ouvre une fenêtre, bienvenue dans mon univers. 13 lettres de noblesse qui s'inscrivent dans un parcours sincère. 13 lettres de noblesse. Dans mes pensées comme dans mes gestes, les moments j'aime et où je déteste. En 13 lettres de noblesse. Où les blagues des pieds à la tête, les sentiments du cœur qui se manifestent. En 13 lettres de noblesse. Dans mes pensées comme dans mes gestes, les moments j'aime et où je déteste. En 13 lettres de noblesse. Où les blagues des pieds à la tête, les sentiments du cœur qui se manifestent.